consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chouanet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on va amorcer l'émission ce soir avec deux nouveaux extraits du plus récent album de Samurai of Prague, The Man in the Iron Mask, featuring Oliviero Lacagnina, claviériste de la formation italienne Latte e Miele. Et puis on aura une nouveauté en provenance du Texas, faut le dire, c'est vraiment pas courant qu'un album de rock progressif est concocté au Texas. Un état plutôt renommé pour le blues et le rock. Et c'est le groupe 13 of Everything, troisième album Time and Other Delusion. Le groupe a présenté en 2005 son premier essai sur étiquette Musea, la maison de disques française. Le disque a pour titre Welcome Humans et 14 ans plus tard est paru Our Own Sad Fate. Et puis Marc, je pense que par la suite, on demeure aux États-Unis. Oui, en effet, avec la pianiste-compositrice Lea Waybright, qui avait fait paraître son premier album en 1999, intitulé Beauty Gone Wild. Elle est de retour en 2023, donc, avec son second album. Et il y a sur ça la participation de membres de Happy The Man, Trans-Siberian Orchestra et Steely Dan. Alors, le titre de l'album, c'est Dreamed. Et on aura ici pour vous la pièce Awake Spring Beauty. Et ce sera suivi de la formation norvégienne Ring Van Mobius, tirée de leur prochain album là, qui va paraître le 14 juillet prochain, Commissioned Works Part 2, Six Drops of Poison. Ça, c'est le titre de l'album. Et on aura pour vous l'extrait The Fifth Chapter, When Man Becomes Wolf. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec des nouveaux extraits du plus récent de Samurai of Prague. Thank you. smile at all the trees that I meet. The palest green is the green of her eyes at the fork in the road. Left or right, day or night, or maybe just explode. The civilized way, the Roman way, a battle inside my head. You are the source, you are the cause, wrong or right, run or fight. The shadows. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Envie de jamais vu, de jamais entendu? Explorez le Salon, la nouvelle plateforme de diffusion en art littéraire de la Maison de la littérature et de ses partenaires. Balado, vidéo et autres douceurs pour faire le plein quand vous le voulez, où vous le voulez. Des contenus d'ici, gratuits, qui nourrissent l'esprit. Passez au Salon. L'Orchestre de la Francophonie est de retour en formation symphonique sous la direction de son cofondateur et chef principal, Jean-Philippe Tremblay. Le mercredi 12 juillet à 19h30 au Palais Montcalm. Virtuose renommé, le jeune violoniste italien Giovanni Andrea Zanon interprétera le concerto pour violon en mi mineur, opus 64 de Mendelssohn. L'Orchestre de la Francophonie, le mercredi 12 juillet à 19h30 au Palais Montcalm. Salut, ici Denis Lelièvre, animateur bénévole à CKRL depuis 1973. Salut, je suis Jessica Leb, animatrice journaliste depuis 2013 à CKRL. Ensemble, nous retraçons l'histoire de CKRL à travers les témoignages de ceux qui l'ont bâti en 5 décennies. Entre anecdotes et souvenirs, nous célébrerons 50 ans de radiophonie communautaire. 50 ans de CKRL, c'est chaque mardi, 15h30. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Taschereau, Étienne Grandmont. Député fédéral, Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Allons-y avec une autre nouveauté, un extrait d'un album en concert du groupe polonais Pin Drop, un album qui a été enregistré en avril 2022, lors du Marillion Weekend présenté en Pologne. Pour le moment, l'album, qui a pour titre Live in Łódź, n'est disponible uniquement qu'en téléchargement, mais par contre, il est question d'un CD, mais la date de parution demeure encore indéterminée. Au menu de ce concert, des extraits de l'album Perfectly Flawed, paru en 2018, et l'intégralité du EP Calling from Some Forgotten Land, qui a été lancé en 2021. Et par la suite, Marc, on se dirige vers l'Italie. En effet, avec une nouveauté de la formation I Viaggi di Maddalena, qui viennent de faire paraître cette semaine leur nouvel album, leur second, intitulé Tra Luce e Ombra. Leur premier album éponyme était paru en 2019. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce Poker, et ce sera suivi de l'artiste canadien Ed Bernard, qui a fait paraître en 2015 son unique album solo, intitulé Polydactyle. Il faisait partie également de la formation Drockfarben. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce The Realization. Mais tout d'abord, comme vous le disiez, Michel, on débute avec une pièce du nouvel album en concert de Pin Drop. to come. I'm erasing my past. I'm traveling to the other side of me. The other side of me. When days are too long and it's all going wrong, I erase my past. I'm breaking free. I'm traveling to the other side of me. Thank you.

Time and time, erase Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Viens vivre l'expérience Festival Québec Jazz en juin. Pour sa 5e année, c'est plus de 80 spectacles, 300 musiciens qui feront jazzer et groover la ville de Québec et le domaine Méseret. Du jazz de haut calibre pour tous les goûts au Grand Théâtre de Québec, à la Cité universitaire et au quartier Saint-Roch et Saint-Sacrement. Du jazz blues avec Jordan Officer, du manouche avec Lior Krieff, Baptiste Herbin, du funk avec The Liquor Store, musique du monde avec Coco Rocco et Mino Sinelu. Plus de 50 spectacles gratuits et des incontournables tels que Viva Ella et son invité Martine Sinclair, ainsi que les renommés John Scofield et Avishai Cohen. Du 22 juin au 2 juillet, trouve ton jazz avec Québec Jazz en juin. jazzenjuin.ca. 42 Québec brise les codes. Notre formation gratuite te propose d'apprendre la programmation informatique comme nulle part ailleurs. On te fournit des projets concrets, un environnement stimulant et des collègues passionnés. Tu fournis la motivation et la curiosité. Rejoins la cohorte de septembre en visitant le 42québec.com. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec la bossa nova de Bébel Gilberto. Pour la toute première fois, la fille de João Gilberto, considérée comme le père de la bossa nova, se consacre pleinement aux airs qu'il a popularisés. Un premier passage de l'artiste à Québec à ne pas manquer. Le 9 septembre, les rythmes chaleureux et suaves de la musique brésilienne seront à l'honneur au Palais Montcalm avec Bébel Gilberto. Détails au palaismontcalm.ca. Est-ce que tout est prêt maintenant? Est-ce que tout vous paraît normal? A demandé Houston à Armstrong. Réponse, oui. Les images arrivent, attention. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. C'est fait! De gauche. Pied, cela se passe en effet. C'est le pied gauche. L'image n'est pas tout à fait. Les barreaux de l'échelle. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il a un peu tourné en rond sur cette échelle. Je sais qu'à tout moment, au moindre faux pas, il peut toujours se rattraper. Enfin, c'est tout de même le premier pas sur la Lune. Auparavant, d'ailleurs, il a effectué un certain nombre d'opérations que nous avons vues, que nous n'avons pas pu décrire. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation Galahad du Royaume-Uni qui a débuté en 1985 et qui a réalisé 15 albums déjà. En carrière, on ira ici d'un extrait de l'album Empires Never Last, paru en 2007. C'était leur 8e album et on aura la pièce titre. Et le bloc musical débutera avec deux formations norvégiennes. On aura entre autres Mythopoeic Mind, qui a été fondé par le saxophoniste de la formation Panzer Papa. Ici, ce sera un extrait du premier album, Mytho Poetry, paru en 2019. Le second, Hatchling, est paru en 2021. Et donc, de ce premier album, on aura la pièce Mount Doom. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une formation qui a une longue feuille de route également derrière eux. Oui, et je pense que ça a été le cas pour plusieurs. C'est la toute première formation norvégienne que j'ai découverte dans les années 80. En fait, le groupe est actif depuis le début des années 70, mais n'a endisqué qu'à partir des années, début des années 80, 1980 pour être précis. Et le groupe s'est distingué avec des albums comme Curse Pink, Melum Us, A Journey on the Inside, et Art of Complex Simplicity. Ça, c'est pour les années 90. Pour les années 2000, le groupe a présenté Tidings, et Mystic Spirit et finalement, il y a deux ans, Presence of Life. Et pour l'occasion, on avait monté une émission spéciale avec la complicité du guitariste Harald Littant. Et ben, je vous fais entendre un petit extrait de ses présentations, d'une de ses présentations de l'époque. Et on va écouter un extrait donc de Presence of Life. Our new album, Presence of Life, was released in March this year and have the same members as Mystic Spirit, in addition of one more keyboard player and guitarist.

Thank you. carries a big spoon and a long sharp knife. She'll diss you and stab you as soon as look at you. She'll point the finger and pull the trigger for no good reason, and your only crime was to tell the truth. She don't like it. No, she don't like it. Always remember, empires never last. They always crumble and fall. Little Miss Glory Seeker, taking all the accolades. But if something goes horribly wrong, her enthusiasm rapidly fades. And she'll run a mile to distance herself. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Envie de jamais vu, de jamais entendu? Explorez Le Salon, la nouvelle plateforme de diffusion en art littéraire de la Maison de la littérature et de ses partenaires. Balado, vidéo et autres douceurs pour faire le plein quand vous le voulez, où vous le voulez. Des contenus d'ici, gratuits, qui nourrissent l'esprit. Passez au salon. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Étant donné qu'on est le 24 juin, le jour de la fête nationale du Québec, le dernier bloc sera consacré à des formations québécoises. On aura entre autres la formation The Box qui faisait paraître en 2009 l'album D'après le Orla de Maupassant. The Box, une formation plutôt populaire qui proposait ici un album de rock progressif. Également, on aura la formation Jellyfish qui faisait paraître en 2008 son tout premier album « Tout ce que j'ai rêvé ». Ils étaient venus nous présenter ce spectacle dans le cadre du Festival Terra Incognita en 2009. On aura ici la pièce « Tout ce que j'ai rêvé ». Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une des meilleures formations selon moi de rock progressif québécoise qui nous a également déjà visité dans le cadre du Festival Terra Incognita. Oui, il s'agit de Visible Wind, un groupe qui est apparu à la fin des années 80. Un premier album est paru en 88, Catharsis. Et puis on a eu par la suite A Moment Beyond Time en 1991, Émergence en 1994, Narcissus Goes to the Moon en 1996, et dans le cas qui nous occupe ce soir, c'est le dernier album studio du groupe qui a pour titre Barb Abal Alou. C'est un exercice de prononciation, mais le disque est excellent. Et on va écouter la pièce Dans le vide. Il y a deux son pas, tout stressé à l'avance. Ne me dis pas que ce privilège n'est réservé qu'à l'élite. Quand on dira pour vivre libre, il faut bien travailler. Pourtant on dira sa place au soleil. Ces arbres vivants de chaque côté de la rue, cette lumière sur les feuilles, la brique rouge et l'asphalte, ces nuages qui nous prolongent dans le ciel, toutes ces montagnes qui ondulent parmi de grands royaumes d'air dans le paysage. Ce que j'ai rêvé sera poussière si je ne trouve pas ce mot d'amour coincé dans la gorge de l'univers et qui éclate. sera moins que du vent. Si je n'aboie pas comme se doit aboyer chaque animal de ce monde, et les plantes en voudront un jour de ne pas avoir su, et les rochers grogneront comme seuls ils savent le faire, et tous les chats que j'ai aimés hanteront la fosse où l'on n'aura pas lancé ce grand squelette. seulement tout ce que j'ai rêvé pour cette parole d'homme s'évanouira dans le cataclysme des amours conjugués à l'infini présent. Et les arbres, et la lumière, et les nuages, et les montagnes, tout ce que j'ai rêvé sera l'éternité retrouvée. Pour conclure cette émission, on a choisi la formation québécoise Néodym et on vous propose un extrait de leur plus récent album, La Signature du Temps, paru en 2015. C'était le quatrième album de cette formation qui nous avait visité également dans le cadre du Festival Terra Incognita en 2014. Alors, on ira avec la pièce Fuite d'attention. C'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 21h. Restez les nôtres pour l'émission L'Autoroute dans quelques instants. Bonne semaine et à bientôt. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Allô, ici Sol Zanetti, député de Jean Lesage. En voyant nos quartiers là, pleins de drapeaux sur les balcons en fin de semaine, je me suis rappelé à quel point c'est beau d'afficher notre fierté patriotique. Je pouvais pas rater cette occasion de venir vous souhaiter de vive voix une fête nationale à l'image des Québécoises et des Québécois que nous sommes, colorées, festives et rassembleuses. Bonne fête nationale, tout le monde. Ce message était une présentation de Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale.